Les chasseurs de nazis. Chapitre 7. Les Américains font le ménage. Cinquième épisode. Tout est bien qui finit bien au pays de l'oncle Sam ? Pas tout à fait. En faisant le nettoyage dans leur fichier d'immigration, les Américains sont tombés sur le cas de John Demjanjuk. Ukrainien d'origine, il obtient la nationalité américaine en 1958. À la fin des années 70, on l'accuse d'avoir été gardien dans le camp de Treblinka. Mais est-ce bien lui ? Interrogé sur cette histoire, le directeur de l'Office of Special Investigation de l'époque, en charge du dossier, Alan Ryan, nous fait cette réponse. C'était un moment fort pour moi. Ce que je sens au sujet de cette affaire, c'est qu'il n'y a aucun doute que Demjanjuk était un gardien à Travniki, Treblinka, Flossenbürg, et qu'il a été condamné pour cela, qu'il a été reconnu coupable pour cela, et qu'il est mort. C'est l'histoire de Demjanjuk en peu de mots. Sauf que, nous n'allions pas nous contenter de cette rébuffade. Nous voulions le pédigré et le parcours complet de John Demjanjuk. Le voici, grâce à la verve digne d'un stand-up de l'historien américain Richard Haschke. All of a sudden, by sheer accident, et tout à coup, par hasard, l'OSI met la main sur l'Ukrainien John Demjanjuk. Il ne figurait sur aucune liste. Alors ils se sont dit « Wow !» Et ils ont découvert, grâce à des témoins oculaires, qu'il y avait des raisons de penser qu'il était Ivan le Terrible. Une sacrée prise. Eichmann, lui, restait dans son bureau. Il était ce qu'on appelle un assassin en fauteuil. Vous savez comment les Allemands aiment accoler des mots. Mais ce type, Demjanjuk, était l'un des pires criminels de guerre, présumé personnellement responsable d'avoir torturé et tué 800 000 juifs, ça fait beaucoup de monde, pour un seul individu. C'est donc du gros gibier. Ils l'ont pourchassé. Ils se sont dit que s'ils pouvaient le coincer, alors tout le monde dirait « Bravo, votre organisation mérite d'exister ». Bien sûr, comme on le sait, ils s'étaient trompés de bonhomme. Le Congrès, la Maison Blanche, le ministère de la Justice, tous se servaient de l'OSI pour redorer le blason de l'Amérique. Et l'OSI se servait de Demjanjuk. Pas nécessairement par stratégie, mais c'est arrivé comme ça. Waouh, regarde ce qu'on a découvert. Et on se prend au jeu, on évalue mal la situation, parce qu'on est animé par un but, on ne veut pas lâcher. Alors, comment les États-Unis ont-ils mis la main sur Demjanjuk ? C'est Moscou qui nous l'a donné, sur une liste de 75 Ukrainiens soupçonnés d'être des criminels de guerre nazie et des collaborateurs vivant aux États-Unis. Mais pourquoi n'y avait-il que des collaborateurs ukrainiens sur cette liste ? Pourquoi n'ont-ils pas ajouté quelques Estoniens, des Hongrois, des Tchèques ou quelques Polonais ? Mais c'est parce qu'ils se servaient de ces Ukrainiens présumés coupables de crimes de guerre, ce qu'ils étaient pour la plupart, afin de diviser les Ukrainiens et les Juifs, diviser pour mieux régner, en espérant peser en Ukraine, où les Juifs collaboraient avec les Ukrainiens pour obtenir l'indépendance, et ils voulaient les monter les uns contre les autres. Bon, alors maintenant on est en Israël, oh là là. Alors une question se pose. Pourquoi les Israéliens voulaient-ils absolument coincer ce type, John Demjanjuk ? Et pourquoi ne pas l'avoir donné à la Pologne, là où il avait sévi ? Ou pourquoi l'Allemagne ne s'en occupait pas si c'est un gros gibier ? Ou l'Ukraine ? Pourquoi ne pas le donner à l'Union soviétique ? Qu'ils le pendent ? Pourquoi devions-nous nous occuper de lui ? Eh bien, parce qu'il avait pour nous une valeur pédagogique. Ce n'était pas la seule raison. C'est un sale type, on veut le punir, on a la peine de mort, qu'il soit pendu. C'est vrai. Mais il y avait un second motif, et ces deux raisons se faisaient concurrence. Son procès allait faire comprendre aux jeunes Israéliens et de manière très directe ce qu'avait été la Shoah. Plutôt que de l'apprendre dans des manuels scolaires, voici les témoins. Écoutez leurs histoires terrifiantes, regardez-les s'effondrer et pleurer à la barre. Regardez-les hurler de colère et pointer du doigt Demjanjuk. Assassin, assassin. Et que ça reste gravé en vous. Donc je pense qu'Israël se servait de lui. Interrompons un instant le récit de Richard Haschke pour écouter ce qu'écrit à propos du procès de John Demjanjuk à Jérusalem l'écrivain Philippe Roth dans son roman opération Shylock. Les avocats de John Demjanjuk, dont l'un, Yoram Sheftel, était israélien, ne mettaient pas en doute l'existence d'Ivan le Terrible, ni les atrocités qu'il avait pu commettre. Ils déclaraient seulement que Demjanjuk et Ivan le Terrible étaient deux individus bien distincts, et que tous les éléments de preuve qui tendaient à démontrer le contraire étaient sans valeur. Ils soutenaient que le seul document susceptible de constituer une preuve, une carte d'identité de Travniki, un camp d'entraînement SS où étaient formés les gardes de Treblinka, carte qui portait le nom et la signature de Demjanjuk, son signalement et une photo, était un faux fabriqué par le KGB et destiné à jeter le discrédit sur les nationalistes ukrainiens en faisant passer l'un d'entre eux pour ce cruel criminel de guerre. Si bien qu'un type comme John Demjanjuk, qui était, si l'on peut dire, du menu fretin, car ce n'était qu'un gardien nazi, un parmi 5000, et personne ne se souvenait de lui, parce que personne ne se souvenait de lui comme bourreau. Si vous vous contentez de faire votre boulot de gardien sans commettre d'exactions, personne ne va se rappeler de vous. Mais commencez à trancher des gorges et arracher des yeux, et on se rappellera de vous. Il n'était pas Ivan le Terrible. Et à quel moment les procureurs israéliens ont-ils su ou soupçonné qu'il n'était pas Ivan le Terrible? Mais la procédure était déjà engagée, c'était un Ivan quelque chose, quelle différence après tout. Et ils l'ont quand même inculpé. Mais ensuite la défense de Demjanjuk a trouvé des témoins et des documents qui attestaient que John Demjanjuk n'avait jamais été à Treblinka. Il était à Sobibor. Sa taille ne correspondait pas, il ne ressemblait en rien à... Et la prostituée en Pologne que voyait Ivan le Terrible, elle a déclaré, non, ce n'est pas lui. Celui qu'il cherchait était Marchenko, Ivan Marchenko. Et la Cour suprême israélienne a dû le rejuger. Comme aux États-Unis, on ne peut pas pendre quelqu'un sans que la Cour suprême puisse examiner le cas pour éventuellement le casser ou le renvoyer. Donc l'affaire est arrivée devant la Cour suprême qui a dû tout reprendre. Le procès avait-il été équitable? Les conclusions des juges étaient-elles correctes? Y avait-il eu des négligences? De nouvelles preuves ont-elles fait surface? Et la Cour a conclu, ce n'est pas Ivan le Terrible. Donc maintenant, John Demjanjuk se retrouve coincé en Israël, sans nationalité, il n'est pas citoyen israélien. Il est libre de quitter le pays, mais pour aller où? On lui a retiré sa citoyenneté américaine. Donc une cour d'appel n'a pas tardé à statuer qu'il pouvait retourner aux États-Unis pour y être rejugé en tant que... John Demjanjuk du camp de Sobibor. Donc après avoir été de nouveau jugé coupable d'avoir menti, pas sur ses crimes de guerre, mais pour pouvoir entrer dans le pays, voilà qu'il est réclamé par l'Allemagne. Pourquoi le voulait-elle? Eh bien, en partie pour les mêmes raisons que les États-Unis. L'Allemagne n'avait poursuivi personne depuis 20 ans. Elle avait pourtant un bureau spécial avec tous ses personnels, ses enquêteurs. Les criminels de guerre nazis étaient partout et ils n'arrêtaient personne. Alors les Allemands ont décidé que, quand bien même c'était un second couteau, ils allaient le juger. Cette décision a suscité une vive opposition en Allemagne. Mais ils utilisaient eux aussi Demjanjuk pour dire « Vous nous payez pour ça, on va enfin faire notre boulot ». Et bien sûr, pour le condamner, ils devaient créer un précédent juridique. Quiconque a participé à la machine de guerre, à la machine à tuer, à n'importe quel titre, est coupable de crimes de guerre. L'ironie de tout ça, c'est qu'au final, il a fait appel, et comme il est mort avant son procès en appel, il n'a été jugé coupable d'aucun crime. Donc John Demjanjuk est enterré dans un endroit gardé secret à Cleveland. Il a été reconnu coupable uniquement d'avoir menti sur sa demande de visa pour entrer aux États-Unis. Les chasseurs de nazis, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les notices bibliographiques sur notre site internet, un site internet préparé et conçu par Christine Bernard. Témoignage traduit et dit par Eve Dair et Michel Zlotowski. Texte lu par Elisabeth Mazève et Xavier Xaplin. Prise de son, Olivier Dupré et Julien Douminc. Cette histoire, mixée par Alain Joubert, réalisée par Jean-Philippe Navarre et racontée par Michel Pomared, revient dès lundi avec le chapitre 8. C'est le dernier chapitre, intitulé « Un ultime baroud d'honneur ».